La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, c'est la compagnie des auteurs. Elle vous est proposée aujourd'hui par Laurence Genepin, Didier Pinault, Chloé Kaczmarek, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet et à la prise de son Théo Gomard. Nous parlons depuis lundi de celui qui était, entre autres talents, écrivain, musicien, chanteur, scénariste et trompinettiste, Boris Vian. Boris Vian, dont nous avons parcouru lundi la vie brève, puisqu'il est mort en juin 1959, à l'âge de 39 ans seulement, d'une maladie qui est très présente dans son œuvre, quoique de façon constamment détournée. Une vie tragique par bien d'autres aspects, comme la ruine de sa famille ou le meurtre de son père dans des conditions mal élucidées. Claire Julliard nous a raconté tout cela dans une émission à réécouter en podcast. Boris Vian, qui affectionnait les jeux avec le langage, un humour poétique et parfois potache, il est l'auteur de nombreux néologismes jamais gratuits et pourtant son œuvre fut en grande partie incomprise du public d'abord, qui ne s'est pas toujours rué sur ses œuvres de son vivant, sauf sur celles écrites sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, incompris aussi par l'élite littéraire de l'époque. Christelle Gonzalo nous l'expliquait mardi. Enfin, hier, nous avons visité le dernier appartement de Boris Vian grâce à Nicole Berthold, qui est mandataire de ses œuvres et qui y vit toujours sans avoir touché à un seul de ses meubles. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique de Stéphanie Genant qui nous parlera de l'imaginaire noir chez Boris Vian et Fred Vargas, je recevrai Thierry Foulque pour évoquer la pataphysique de Boris Vian. Mais avant cela, nous entamons cette émission avec celle qui a dit de Boris Vian « J'ai tout lu, tout, j'ai tout su, tout ». C'est Chloé Delhomme. Nous espérons qu'elle nous dira tout de Boris Vian. Bienvenue à tous, justement. Voici la compagnie des auteurs. Je veux une vie en forme d'arête, sur une assiette bleue. Je veux une vie en forme de chose, au fond d'un machin tout seul. Je veux une vie en forme de sable dans des mains, en forme de pain vert ou de cruche, en forme de savate molle, en forme de faridondaine, de ramoneur ou de lilas, de terre pleine de cailloux, de coiffeur sauvage ou d'édredon fou. Je veux une vie en forme de toit, et je l'ai. Mais ça ne me suffit pas encore, je ne suis jamais content. Bonjour Chloé Delhomme. Bonjour. Quand j'ai entendu cette lecture de « Je veux une vie » par François Karadec, je me suis dit que vous aimeriez entendre cet extrait. Je ne sais pas pourquoi, mais me suis-je trompée ? Non, tout à fait, c'est ça, c'est la métaphore de vie. La vie en forme de... Et moi, c'est en forme de nénuphar. Qu'est-ce que vous aimez alors chez Boris Vian, puisqu'aujourd'hui vous êtes venu nous parler du Boris Vian que vous aimez? Il ne s'agit pas de faire une analyse universitaire de ses textes, ce n'est pas tellement ça qui vous intéresse. Hein. Non, moi je crois qu'il y a une précision dans la langue déjà, très simple, et surtout un sens de l'image qui je crois du coup déconcertait beaucoup à l'époque, mais parce qu'il n'y a pas que le cancer du nénuphar, il y a ces limaces bleues aussi qu'on retrouve dans la rage-cœur. Il y a souvent des formes un peu très très bizarres, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que c'est L'écume des jours a donné une très mauvaise adaptation cinématographique, parce que ce sont des métaphores qui sont d'ordre littéraire et qu'on peut pas incarner. On peut pas reproduire la poésie des images de Boris Vian. Non, je n'ai pas eu cette sensation, parce que Gondry en général est quand même un réalisateur qui, enfin, mais même quand le film est en préparation, je me doutais que ce serait pas possible et de l'ordre de la catastrophe. On peut pas mettre en image quelque chose qui est vraiment de l'ordre du langage imagé. Vian, c'est une sorte de quintessence poétique, en fait. Ça sert à rien d'essayer de... Le roman d'amour, la déchirure, tout ça passe exclusivement par le langage. la même histoire avec d'autres. Enfin, c'est au-delà de la narration. On est vraiment dans la littérature. Vous avez encore des images de Boris Vian en tête ? J'ai surtout le décalage entre le Boris Vian auteur et le jazz que moi j'aime pas du tout. Donc ça avait été un gros choc à l'époque, parce qu'aujourd'hui quand on lit un ouvrage, tous les référents qui sont dedans, c'est très simple pour le lecteur avec Google. Moi quand j'étais adolescente et que j'ai découvert Vian, j'ai mis un certain temps avant de mettre la main sur le Chloé de Duke Ellington. Vous savez, en banlieue, dans des milieux où les parents n'écoutent pas de jazz, pouvoir mettre la main sur le disque, c'était pas si évident. Et ça avait été une grosse déception, du coup, cette quête. Alors, on va approfondir toutes les pistes que vous lancez, notamment le Chloé de Duke Ellington. Mais avant cela, précisez quand même aux auditeurs que vous avez écrit en 2005 un petit livre qui parle de vous et de Boris Vian. Alors c'est un livre qui se résume difficilement, parce que ce n'est pas un livre à intrigue, ce n'est pas un livre à thèse. C'est un rapport sur Boris Vian, comme vous nous l'indiquez dans le sous-titre Chloé Delhomme. Oui, c'est-à-dire, pour moi, je suis une praticienne d'autofiction. Et donc du coup c'était comment traiter mon auteur fétiche, puisque mon prénom vient de lui. Je me suis renommée à partir de Vian et de Artaud pour le nom de famille. Donc Chloé, alors précisément. Chloé, c'est la Chloé de l'écume des jours. Ouais. Et à cause du cancer du nénuphar, qui me semblait vraiment être l'image littéraire la plus sublime de notre patrimoine. Pourquoi ? Je trouve que incarner le mal le plus ultime dans le lys des marais, c'est quand même super beau. Et aussi parce que on a le cancer habituellement, avec ses images de crabes ou de choses comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas aussi... Le nénuphar est blanc, est une fleur pure, et puis l'histoire de l'enracinement dans les poumons, quelque chose d'aqueux et... j'ai trouvé vraiment que c'est ça la force de cette métaphore-là. Je crois qu'en littérature française, j'ai jamais réussi à trouver un équivalent, même pas chez Rimbaud, c'est dire. Et puis parce que je crois que le rapport entre Colin et Chloé aussi, moi qui suis vraiment pas une fan d'histoires d'amour, normalement je préfère quand même des histoires bien sordides, mais où les gens s'aiment pas trop. Et c'est vraiment bouleversant parce qu'on est dans une simplicité enfantine et quelque chose de très pur. Vian arrive toujours à faire cohabiter un aspect très presque puéril d'ailleurs des fois dans l'humour, avec une poésie beaucoup plus complexe. Et vous le regrettez, ce côté parfois puéril ou pas? Je crois que c'est ça qui fait que on a le coup de foudre à l'adolescence. C'est ça, malheureusement, qui fait aussi quand on est passé à côté avant adulte. Il peut y avoir une sorte de mépris encore aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien ce côté. Vous disiez potage tout à l'heure, et c'est très juste. Même ces recueils qui sont plus blaguesques ou quoi, je suis assez sensible à ce mélange-là. Et puis, il y a aussi le rapport économie du langage. C'est-à-dire que j'ai eu accès au tapuscrit des fourmis, par exemple, ou à d'autres manuscrits de travail. Et on voit que quand il barre un mot, qu'il le barre 3 à 4 fois, c'est pour aller à chaque fois à l'adjectif le plus court, le plus efficace, le plus pur. C'est un travail de langue qui est finalement assez à l'inverse de moi, qui a tendance à en surajouter à chaque fois que je barre. Ouais. Donc, il est dans les purs. Vous croyez qu'il retravaillait beaucoup, parce qu'on a au contraire l'impression, et notamment par le fait qu'il y a une masse d'écrits qui est très importante, qu'il a beaucoup travaillé, on a l'impression qu'il écrivait comme ça de manière très facile et sans retravailler particulièrement. Est-ce que vous savez si c'était le cas ? Moi, j'ai la sensation, par rapport à ce que j'ai pu en lire ou voir, qu'effectivement, c'était pas du gros retravail, d'abord parce qu'il était en surproduction permanente aussi, donc je pense que du coup, c'est un peu plus difficile. Mais après, je pense qu'il avait des premiers jets qui me semblent, enfin, au vu de tout ça, infiniment plus sûrs. Mais peut-être aussi parce qu'il y a ce mélange de simplicité aussi. Ces métaphores-là, ça se travaille pas. Je veux dire, des idées comme le cancer du nénuphar ou les limaces bleues. Ça se trouve, voilà, ça s'impose. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Ce qui est retravaillé souvent, c'est quand même plutôt les formes adjectivales qui partent de quelque chose de plus complexe pour arriver à petit, par exemple, ou des choses plus économiques. C'est en ça que c'est intéressant, parce que oui, c'est de l'épure, mais sur quelque chose qui est des phrasés qui sont déjà assez soutenus, assez verrouillés. Et les titres de Boris Vian, vous-même, dans le titre de votre livre, Les Juins ont tous la même peau, rapport sur Boris Vian, vous faites référence évidemment au livre de Vernon Sullivan, Les Morts ont tous la même peau. Alors, votre titre d'abord, pourquoi les Juins ont tous la même peau? Parce qu'en fait, sur ce livre sur Boris Vian, c'est mon rapport à mon mort préféré. Et en fait, mes parents sont morts en juin. Bon, en 2005, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais quand même encore dans la veine de travailler sur le deuil parental de quand j'étais plus jeune. Mais c'est oui, le côté le juin, enfin c'était, ça sonnait bien, et c'était un hasard qui avait tendance à surligner le fait que c'était mon mort à moi. Mais ces titres, je suis assez jalouse quand même. Il y en a pas un nul, même pas pour les, je sais pas, des trucs comme Cantilène ont gelé. Enfin, il y a même Noton, elle y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est un peu la chef des titres. Et puis. Bon, vous avez quelques titres qui sont pas mal quand même. Bah, j'essaye, mais ça vaut pas l'automne à Pékin, sachant que ça a aucun rapport en plus avec ça se passe pas en automne ni à Pékin. Quoi. Ah bah, écoutons justement ce que disait Boris Vian de ce titre, L'automne à Pékin. Si vous voulez bien, Boris Vian, nous allons d'abord préciser que dans L'automne à Pékin, il n'est question ni d'automne, ni de cette ville chinoise. Pourquoi ? Effectivement, il y a une chose à propos des titres que j'ai toujours défendue, c'est qu'on n'a pas lu le livre quand on lit le titre. Par conséquent, si le titre n'a aucun rapport avec le livre, ça n'a aucune importance. Et il vaut même mieux que ça n'ait aucune importance, parce que de deux choses l'une, ou bien le titre est bon, il résume le livre, et ça n'est plus la peine d'acheter le livre, ou bien le titre est mauvais et il n'intéresse pas. Alors je crois que ce qu'il faut trouver, c'est un titre qui soit un tout en soi et qui donne envie de lire le livre. Moi, personnellement, L'automne à Pékin, ça m'avait paru... Mais c'est un beau titre, très poétique. Une assez jolie saison. Ça parle de quoi, L'automne à Pékin, Chloé Delhomme? C'est une aventure qui part par un bus. C'est assez difficile à résumer quand même. Il y a, disons, une sorte d'aventure administrative d'un certain Atanagore, dont j'ai oublié le nom de famille derrière. Mais la phrase la plus sublime, c'est Anne, c'est un nom de chien. Et ça, moi, j'ai toujours pas trouvé la réponse c'est cité au moins trois fois. Je pense que dans L'automne à Pékin, je pense que c'était une blague interne. Mais j'ai vraiment mené l'enquête et je n'ai toujours pas trouvé pourquoi Anne est censée être un nom de chien. C'est une blague dedans, disons que c'est quand même le bouquin le plus drôle, enfin un des livres de Vian qui pour le coup est le plus drôle dans la critique un peu socialo-administrative, dans l'absurde beaucoup. Les personnages sont, c'est vraiment là pour le coup le plus gros n'importe quoi, et sur la structure c'est le plus complexe. J'ai plus tellement en tête, mais à une époque très lointaine, quand j'étais encore à la fac, je l'avais décortiqué avec des outils de lettres modernes. Il y a une construction quasi mathématique, en fait. Il y a plein de grilles de lecture possibles, et c'est le plus riche en termes d'interprétation de structure. J'ai eu la sensation aussi que c'était le plus travaillé, mais moi, c'est vrai que dans mes préférés, c'est l'écume, bien sûr, mais j'aime beaucoup dans les nouvelles des fourmis, la nouvelle titre aussi, qui c'est pareil. Enfin, je veux dire, ce texte-là qui, les fourmis, et puis ce type qui écrit en fait, il est sur une mine antipersonnelle, on le comprend à la fin, et à la fin du texte, il va lâcher le manus et sauter. Parce qu'il a des fourmis dans les jambes. Des fourmis. J'ai trouvé ça aussi, quand on est ado, ça fait partie de ces petits trucs qui marquent bien, c'est-à-dire que ce genre de petite nouvelle-là, on aurait pu la trouver dans les nouvelles un peu horrifiques ou que lisent beaucoup les adolescents. Mais là, on a une maîtrise stylistique folle. Et puis cette simplicité aussi, on est dans la tête du narrateur tout de suite. Il arrive bien à mettre le lecteur dans... Oui, je sais pas, il y a quelque chose d'immédiat avec Vian, souvent. Mais votre préféré, c'est donc tout de même L'écume des jours. D'où votre prénom Chloé, on l'a dit. Chloé, c'est aussi la chanson de Duke Ellington qui est présente dans le livre. Oui, et que, bah oui, mais ça, c'est terrible quand on découvre tardivement, en plus, qu'on n'aime pas du tout le jazz, mais même pas quand on... Oui, c'est... Mais bon, en même temps, la synthé pop n'existait pas à son époque, donc c'est pas de sa faute. Donc pas de regret. Non. Et vous qui, vous l'avez dit, travaillez sur l'autofiction. Peut-être qu'on peut voir là un lien justement avec Boris Vian, quand Boris Vian dit que finalement, ce qui est réel, c'est ce qui est imaginé. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est ça, c'est cette histoire est totalement vraie puisque je l'ai inventée d'un bout à l'autre. Voilà, c'est ça la citation. Ouais, ouais, mais c'est ça et en même temps, bon, lui, il n'utilisait pas sa vie de façon frontale du tout dans les ouvrages. Enfin, à part quand même juste la métaphore filée du souffle au cœur à travers toute son œuvre. Mais je crois que ça m'a apporté d'entrée de jeu aussi un rapport à la liberté de l'écriture chez lui. Ce que ça apporte, parce que c'est-à-dire qu'il y a toujours le geste de lecteur adolescence, qui a de formateur pour l'avenir en tant que lectrice, mais après en tant qu'auteur, je peux pas nier que c'est ça a été très très fondateur dans ce rapport à l'imaginaire langagier. Mais je me rappelle que quand on avait lu L'écume, comme beaucoup de lycéens en fait, genre en seconde, il y avait eu immédiatement une sorte de scission dans la classe. Le fait que les anguilles sortent du robinet, genre dès quasiment la première page, on voyait tout de suite les ados qui étaient furieux. Enfin, moi, je me souviens très bien, c'était la première fois que je voyais une réaction négative, violente de la part d'une élève qui lisait peu et qui vraiment dit « il se fout de notre gueule ». Ça fonctionne alors. Et ça fonctionne complètement. Mais ça, c'était drôle de s'en rendre compte vraiment dès la première lecture. On adhère à cet imaginaire, on le prend comme tel, la notion de pacte de lecture. Et je crois qu'en fait, encore maintenant, sur les adolescents, c'est aussi un déclic de voir ce qu'ils recherchent après pour orienter les lectures adaptées. Vian est pour moi un passage obligé dans le parcours d'un petit lecteur français de nos jours. Il faut absolument passer par là pour après même trouver les lectures adaptées ou en fonction. Et donc vous, en tant qu'écrivain, parce que souvent les écrivains, quand ils lisent d'autres auteurs, ils ont des déclics et ils se disent « Ah, on peut faire ça !» Est-ce que vous, en lisant Boris Vian, ça a déclenché chez vous quelque chose? Vous vous êtes dit « Ah oui, ce problème d'écriture que j'avais, je peux le résoudre parce que Boris Vian l'avait résolu avant moi. » Sur Vian, c'est indépendamment de cette liberté imaginaire et donc métaphorique qui ça m'a donné, c'est plus sur le côté multisupport. C'est-à-dire que très souvent, moi, dès le début de ma pratique, je faisais à la fois des perfs, plein de supports différents. Et à chaque fois qu'il y avait le côté, on me disait, mais attention, puis en France, on n'aime pas trop les hybridations trop à tout craint dans les matières. Et à chaque fois, moi, c'était non, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, Vian, il n'a pas vécu longtemps. Il travaillait peut-être plus que moi par année. Mais il a fait tout ce dont il avait envie, que ce soit des paroles de chansons, des pièces qui sont parfois pas super. Enfin, le Chevalier des Neiges, il n'y a pas de quoi non plus. Bon. Mais il l'a fait à Avignon, il a fait tout ce qu'il voulait. Donc, pareil, les donc paroles c'est de chanson, donc j'essaye de faire pareil. Alors je vous propose d'écouter un extrait donc, de ce roman L'écume des jours, qui est votre préféré, interprété en plus par Guillaume Marquet et Charlotte Cormand dans une adaptation par le collectif de La Bouée, collectif et adaptation à laquelle vous avez participé, Chloé Delhomme. Oui. C'était sur le balmontage. C'est Colin. Colin, je vous présente Chloé. Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington? Et puis il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une connerie. Chic le rattrapa par un pan de sa veste. Vas-tu comme ça? Tu ne vas pas t'en aller déjà. Il tira de sa poche un petit livre relié en maroquin rouge. C'est l'original du paradoxe sur le dégueulis de Hartre. Tu l'as trouvé quand même? Puis il se rappela qu'il s'enfuyait et s'enfuit. Alors, vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi? Excusez-moi, je viens d'être idiot et ça me gêne de rester. Pourtant, quand on vous regarde comme ça, on est forcé d'accepter. Alice. Oh, quoi, mon vieux Colin? Oh, zut. Zut, ébran et peste diable bouffre. Vous voyez la fille, là? Chloé? Vous la connaissez? Je lui ai dit une stupidité et c'est pour ça que je m'en allais. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux, et sa robe n'y était pour rien. J'oserais pas. Et puis il lâcha Alice Et elle a invité Chloé, elle le regarda, elle riait et mit la main droite sur son épaule. Il sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit, transmis du cerveau le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore, elle avait les yeux bleus. Elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux frisés et brillants et appliqua d'un geste ferme et déterminé sa tempe sur la joue de Colin. Il se fit un abondant silence alentour et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. On entend Chloé de Duke Ellington. C'est exactement vous. Ça, c'est quand même un extrait pour vous, Chloé Delhomme. Oui, et puis je crois que là, dans cet extrait, on voit bien sur le rapport langagier, c'est tous les niveaux de langue, en fait. On est dans... Bon, il n'y a pas de l'archi soutenu, mais le conte pour du beurre, et puis les blagues, sa robe n'y était pour rien. Enfin, il y a toujours ces touches d'humour. Et le côté très irrévérencieux aussi, auquel je tiens beaucoup, enfin, que j'affectionne particulièrement chez Vian, qui... Enfin, dans l'écume aussi, sur Jean Solpartre et tout ce qui va de pair, il a une vision... Il y a un manque de sérieux, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien, Stark. C'est sérieux, mais il ne se prend jamais au sérieux. Il se moque des écrivains qui se prennent au sérieux. Il y a le thème du couple aussi, il y a plusieurs couples dans l'écume des jours, donc Colin et Chloé, il y a aussi Chic et Alice, et puis Nicolas et Isis, c'est ça? Oui. Quel genre de couple sont-ils? On a un peu les stéréotypes en fait des amoureux, le Nicolas c'est le pianoctel si je ne m'abuse, et pour l'autre, c'est sa passion dévorante à Chic pour les collections d'ouvrages appartenant à Jean Solpartre. Ouais. Et c'est amusant parce qu'en fait, je l'ai pourtant lu plein de fois, mais j'ai l'impression que les autres couples m'ont pas particulièrement... Ils sont un peu là quand même comme des faire-valoir dans mon esprit en tout cas. Peut-être qu'ils sont là comme deux autres possibilités de couple. Donc il y a l'amour fou qui est représenté par Chloé et Colin. Et puis il y a l'amour impossible entre Alice et Chic. Et puis l'amour là pour le coup uniquement charnel entre Nicolas et Isis. Est-ce que c'était pour Boris Vian, selon vous, hein, vous n'êtes pas dans sa tête, mais une réflexion aussi sur l'amour? Ce roman, je sais pas parce que sa vie, oui, inéluctablement, c'était, mais j'ai plutôt l'impression qu'il a voulu faire quelque chose d'un peu universel, enfin, d'où la quatrième de couve de Queneau quand c'était sorti sur le plus grand roman d'amour moderne. J'ai plutôt l'impression que c'était un tricotage de possibilités de couple, mais que les deux autres sont plus normaux, enfin, je veux dire, on est dans le réel finalement transposé, alors que le drame Colin-Chloé, quand bien même ce serait pas avec un nénuphar dans l'histoire et vraiment dans le drame classique, on est presque chez Madame de Mortsauf. Ouais. Et puis évidemment la maladie qui rétrécit au fur et à mesure, oui, avec le monde, l'horizon, avec le monde et l'appartement qui va avec. Et puis moi, mes personnages préférés qui sont la souris et le chat, enfin la souris tout le long. Ah oui, pourquoi? Et cette fin sublime parce que c'est incroyable d'avoir une, bon, déjà je trouve que l'observateur est une idée géniale, c'est cet observateur plein d'empathie qu'est la souris, et qu'elle soit tellement désespérée du mal. D'abord il y a cette phrase sublime au sujet de Colin quand elle le décrit à la fin, qu'une fois Chloé est morte et dans le cercueil est sous l'eau et qui vient tous les jours, Colin observait la surface, attendre que le nénuphar ressorte, dit, il n'a pas du chagrin, il a de la peine. Mmh. C'est ça que je ne peux pas supporter. Et vous voyez à quel point, justement, ce rapport aux mots chagrin, peine, on est dans du français super simple, et en même temps, ça fait mal au ventre, tellement c'est juste. Et cette petite souris qui va demander au chat d'ouvrir la gueule, qui va mettre sa tête dans la gueule du chat, le chat qui laisse traîner sa queue pour que les petites orphelines aveugles lui marchent dessus et que par réflexe il la décapite, c'est à la fois adorable et atroce et bouleversant. Et c'est tellement atroce que quand vous étiez adolescente, en classe, je crois qu'on avait demandé à certains de vos camarades de faire un exposé, ils avaient dû le bâcler, et donc le professeur leur avait demandé de lire la fin de l'écume des jours. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré épouvantablement. En fait, ce livre, quand on nous l'avait donné à lire, comme c'était obligatoire, je l'ai lu que la veille pour le lendemain. Je grognais dès que c'était obligatoire. Donc, je venais de le lire dans la nuit. Comme quoi, donc... parfois, un peu d'obligatoire. Mais oui, en littérature, souvent, il faut écouter un peu les consignes de base. Mais du coup, ça avait... Oui, j'étais sursensibilisée. Mais c'est vrai que j'ai beau réfléchir, à part peut-être le Ophélie de Rimbaud, j'ai jamais eu un choc aussi physique, violent et profond. J'étais vraiment ébranlée et je le suis encore. Vous voyez, c'est vrai que ça a marqué dans la chair. Ben, c'est pour ça que je tenais tellement au prénom. C'était pas de la pose, hein, c'est qu'il y avait vraiment un rapport profond. Et puis, est-ce que vous n'aimez pas chez Boris Vian? Vous avez commencé de le dire. Alors d'abord, le jazz, ça, vous n'aimez pas. Ouais, ça, c'est... Mais c'est un truc d'époque aussi, je pense que... Pourtant, vous avez essayé. Ah, mais non, mais ça, j'ai essayé. Mais c'est là que c'est un peu comme les maths, voyez. On se donne du mal, mais ça ne rentre pas. Le jazz, j'ai vraiment essayé par plein d'endroits. Et non, ça passe pas. Donc du coup, je passe à côté de tous ces écrits qui sont en rapport, les chroniques. Je passe à côté de plein de blagues internes, je pense. Et puis surtout, sûrement, de l'atmosphère, c'est-à-dire que je le lis pas en écoutant ce qu'il écoutait. Donc il y a pas, il me manque une passerelle, ouais, c'est clair. Et aussi les opéras, parce que Boris Vian a écrit des opéras. Et vous auriez bien voulu les aimer, mais non, vous n'y plus. Êtes pas tellement parvenu. Non, non plus. C'est ça et les écrits pornographiques qui sont très très ratés à mon sens. C'est pas un bon livre. Pourquoi? Trop potage pour le coup et débraillé au niveau syntaxique. Ouais, faut pas que ce soit débraillé. Mais non, mais je veux dire, c'est pas lui. Enfin, c'est un peu comme ses pièces. On a l'impression. Enfin, moi, j'ai eu la sensation qu'il voulait rentrer dans des structures qui étaient peut-être trop statiques et pas les siennes. Peut-être que c'est trop rigide pour son écriture à lui. Puis il y a aussi le fait qu'un auteur peut pas toujours être bon dans tous les exercices. C'est incroyable à quel point c'était un bon parolier déjà. En plus de tout le reste, enfin c'est étonnant que en combien il est mort à 39 ans, il a commencé à la vingtaine tapé. C'est fou hein, le peu nombre d'années, tout ce qu'il a pu vraiment. Vous citez Jacques Derrida, et on terminera par là, Chloé Delhomme, dans votre livre sur Boris Vian, « Les Juifs ont tous la même peau ». Derrida qui dit « Le secret de la littérature, c'est le secret même, le secret de ce qu'elle avoue et qui demeure secret, alors même qu'en pleine lumière elle l'avoue, elle le dévoile ou dit le dévoiler ». Pourquoi cette phrase de Derrida en rapport avec Boris Vian? Ben parce que le dévoiler est dans tout le nénuphar et dans toute la maladie. Je crois que justement, le dévoiler et le secret, c'est quelque chose qui est de l'ordre du toxique refoulé chez Vian. De comment est-ce qu'on fait de la résilience par la poésie et de la résilience quand on sait qu'on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est encore pire. C'est de l'instinct de survie poétisé et l'humour noir, ce côté politesse du désespoir. Merci beaucoup Chloé Delhomme, je rappelle votre livre « Les Juifs ont tous la même peau, rapport sur Boris Vian » disponible dans la collection Point. Quant à votre dernier livre « Les sorcières de la République », il a paru en 2016 au Seuil. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est le moment de notre nouveau rendez-vous du jeudi dans la compagnie des auteurs. Chaque semaine, quelques minutes offertes à de grands lecteurs, souvent même des enseignants en littérature, pour glisser leur point de vue sur l'auteur dont nous parlons toute la semaine et aussi sur une actualité littéraire, parfois d'ailleurs en lien avec le sujet de la semaine. Ce sera le cas avec vous, Stéphanie Genant. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, vous avez écouté Chloé Delhomme, vous avez peut-être écouté les premiers épisodes de cette semaine. Quel avis, quel sentiment avez-vous sur Boris Vian, dont je crois vous êtes lectrice depuis un certain nombre d'années? Bah depuis, comme Chloé Delhomme l'a dit, la classe de seconde, comme beaucoup de gens de ma génération aussi, on a découvert Boris Vian au lycée, j'y reviendrai tout à l'heure, on ne le découvre beaucoup plus rarement après. Hein, c'est un auteur qui disparaît après des corpus académiques et par exemple des programmes de concours. Hein. Pour quelle raison? Bah, je pense qu'il n'est pas pris au sérieux encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui l'inscrit un peu à la marge du panthéon académique. Je pense au grand concours d'enseignement dans lequel il figure jamais. Boris Vian reste encore un peu à part. Par contre, tous les jeunes gens, et c'est vrai en tout cas de notre génération, découvraient son œuvre. Et cette semaine, on a beaucoup parlé dans l'émission de jubilation, de fantaisie. Pourtant, c'est vrai que comme Chloé vient de le rappeler, moi aussi, je garde comme lectrice le souvenir à propos de l'écume des jours d'un texte particulièrement oppressant, angoissant, un texte qui m'a pas du tout, moi, laissé le souvenir de quelque chose de fantaisiste. En tout cas, moi, j'ai été davantage marquée par la mort qui rôde sous la forme de ce nénuphar qui donne le titre aujourd'hui à l'émission. Cette maladie qui dévore Chloé et que Vian évoque vraiment des termes très crus, parlant par exemple, je cite, de cette horreur qui la dévorait dans la poitrine. Alors si on réfléchit un tout petit peu à ce que c'est que le nénuphar, en plus, c'est une fleur qui est très belle en surface, mais dont finalement on ne voit pas grand-chose, alors qu'en réalité elle plonge ses racines dans le marécage et dans les profondeurs noires et sales, et boueuse, ou inquiétantes. Oui. Et du coup, il m'a semblé, moi, que c'était peut-être l'image, à mes yeux en tout cas, qui résumait peut-être l'œuvre de Boris Vian, une œuvre bicolore, qui est séduisante et chatoyante comme un nénuphar quand on la regarde en surface, mais qui en réalité va plonger dans le marécage. Alors ce marécage, Vian va lui associer un nom, Vernon Sullivan, un autre versant de son écriture, l'écriture noire, avec ses romans donc américains, J'irai cracher sur vos tons, et puis que j'ai relu aussi du coup, Et on tuera tous les affreux, encore un très beau titre, qui s'annonce comme une espèce de fantaisie, un monde eugéniste où on assassine les laits. Mais en réalité, en lisant ces deux textes, je m'aperçois que vraiment la noirceur est là. Elle est le marécage de Vian, puisqu'on y voit des auteurs passionnés par le, des personnages, pardon, passionnés par le crime, la vengeance, la frénésie sexuelle, c'est le cas de J'irai cracher sur vos tombes, ou à l'inverse, angoissés par la sexualité au point de choisir de rester vierge, puisque c'est le cas du personnage d'On tuera tous les affreux, Roque Bellet, qui a une peur panique du corps féminin et qui, dit-il, profite du sommeil des filles pour aller voir un peu comment c'est fait. Du coup, cette structuration un peu double, bicolore de l'œuvre de Vian, une œuvre nénuphar en surface ou une œuvre racine noire, fait qu'il est pour moi, je crois, beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus grave que ce qu'on nous dit quand on est au lycée, quand on a 16 ans. Et ça vous a fait penser à un autre écrivain, une femme écrivain, Fred Vargas, qui a publié, je crois que c'était en mai dernier, Quand sort la recluse chez Flammarion. Oui, de la même manière, Vargas pratique l'écriture noire, l'écriture policière, et donc j'ai trouvé qu'il y avait une démarche similaire, choisir la forme policière ou la forme de l'enquête ou la forme du crime ou de la vengeance pour aller explorer notre marécage intérieur. Alors Vargas a toujours fait ça depuis le départ en prenant par exemple une matière historique un peu archaïque, un peu irrationnelle, ce qui fait de son dernier roman Quand sort la recluse, dont le titre déjà est tout un programme, ce qui sort de nous qu'on avait enfermé, ce qui fait son originalité à ce livre, c'est qu'elle donne à cet irrationnel un côté beaucoup plus intime. Ce sont cette fois-ci les propres souvenirs, les propres angoisses des personnages et de son personnage de commissaire qui vont nourrir l'enquête. Si bien que, au lieu de lancer comme un roman policier, Quand sort la recluse, petit à petit nous invite à oublier la raison, ce qui est pas du tout, ce qui est complètement paradoxal pour un roman policier, oublier la logique, oublier par exemple la déduction, au profit de libres associations, ce que le personnage d'Adam Sperg appelle les bulles gazeuses ou les proto-pensées, qui fonctionnent là encore aussi comme chez Vian par association sur les sonorités, des jeux de langue, qui sont très psychanalytiques dans le roman de Vargas, comme elles le sont d'ailleurs aussi chez Vian, qui a une relation très compliquée avec la psychanalyse, qui est à la fois omniprésente, toujours tournée en dérision, mais en même temps, on voit même dans L'Herbe Rouge qu'il s'agit bien d'aller remonter dans la mémoire. Donc, entre Vian et Vargas, il y avait un même désir, un même projet, d'ailleurs, dans ce très beau dernier livre, Quand sort la recluse, elle présente elle-même, un des personnages dit que c'est une enquête qui plonge dans les entrailles du passé comme de l'esprit. Donc c'est son livre, je trouve, le plus psychanalytique, nous sommes tous des névrosés, mais sans doute aussi le plus intéressant. Chloé Delhomme, une réaction peut-être sur la chronique de Stéphanie Genant et le rapport entre Fred Vargas et Boris Vian. Non, mais c'est très très juste cette histoire de plonger le bicolore et je suis tout à fait d'accord. Après sur le dernier Vargas, c'est très vrai aussi. Non, c'est vrai, j'y aurais pas du tout pensé moi-même. Eh bien Stéphanie Genant reviendra souvent pour nous éclairer il faut. Sur ce genre de thématiques et sur d'autres. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Et à très bientôt. Thank you. C'est le dernier moment de notre semaine consacrée donc à Boris Vian dans la compagnie des auteurs et nous terminons dans la joie et l'invention, enfin du moins nous l'espérons, avec Thierry Foulque, grand spécialiste de la pataphysique, pataphysicien lui-même. La pataphysique, une science qui connaît de nombreuses définitions. En voici deux dans la voix de Boris Vian lui-même. On peut dire que la pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique. Un des principes fondamentaux de la pataphysique est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. C'est pataphysique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait toujours de la pataphysique. Oui, sans le savoir. Sans le savoir. Oh. Il est évident que plus la pataphysique est consciente, plus elle se double de pataphysique inconsciente. Parce que le fait même de vouloir en faire est un acte hautement pataphysique. Et ce que l'on ignore lorsqu'on en fait volontairement est encore plus pataphysique peut-être. Si vous voulez qu'on donne un autre résumé, enfin un autre principe, c'est l'intérêt que portent les pataphysiciens à l'exception plutôt qu'au cas général. Et bonjour Thierry Foulque. Bonjour. Vous venez d'écrire avec votre ami Paul Gaillot un essai « Vian et la pataphysique » qui va sortir en librairie le 25 octobre prochain. Ce sera dans les éditions du Livre de Poche. Et c'est un ouvrage qui suit les usages du collège de pataphysique en matière au moins de typographie, parce que vous écrivez le mot « pataphysique » précédé d'une apostrophe, selon l'injonction d'Alfred Jarry lui-même dans son ouvrage « Des gestes et opinions du docteur Fostrol, pataphysicien ». Alors, peut-être faut-il, avant de parler de Boris Vian, parler un petit peu de la pataphysique. Tous nos auditeurs ne sont pas forcément tout à fait informés de ce qu'est la pataphysique, et c'est bien dommage. D'où vient la pataphysique? Peut-être faut-il remonter, Thierry Foulque, jusqu'à Jarry. On peut remonter jusqu'à Jarry, et même avant, puisque en vérité, le terme de pataphysique a été inventé non pas par Jarry, mais par des potages du lycée de Rennes, avant qu'il y soit lui-même, ouais. Donc dans les années 1880, peut-être 1885, par là. Ah, le mot vient des lycéens, oui, du, oui, lycée de Rennes. Oui, oui. Jarry, lui, est arrivé en 88, mais le terme existait déjà, et il était la sublimation, dirais-je, de l'activité d'un professeur qui, pour ses élèves, représentait tout le grotesque qui est au monde. Ouais. Ce professeur s'appelait Hébert. Félix Frédéric Hébert. À partir de ce nom de Hébert, les potaches l'appelaient Heb, et puis ils l'ont appelé Hébé dans les chansons, notamment, qu'ils faisaient sur lui, et Jarry en a fait Ubu pour le faire rimer avec cornes au cul. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce monsieur Hébert? Alors, on connaît d'une part sa silhouette, on connaît les rapports d'académie à son sujet, et je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi édifiant. Ce professeur, d'après les très sérieux rapports des inspecteurs, était incapable de conduire une classe, même de 12 ou 15 élèves. Mmh. Donc il se faisait chahuter. Oui, mais c'est rien de le dire. C'est-à-dire que le chahut, c'est normal. Mais recevoir des projectiles, des pierres, des insultes, au point que la physique se transformait sous les yeux même des élèves en quelque chose de tout à fait nouveau et hors du commun, qu'ils ont appelé la physique dans certaines pièces, et puis naturellement la pataphysique, tout ça ne s'est produit que à Rennes, dans ces époques, vers 1880-85. C'est-à-dire que ses camarades avaient déjà écrit des chansons, des poèmes, des pièces, en forme de pièces de théâtre, qui existaient sous forme de feuilles volantes. Et donc la geste du père Ubu existait quand Jarry est arrivé, et lui, simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est emparé de ses textes, et que, contrairement à ses camarades, il les a montés en pièces de théâtre. Mmh. Déjà sur place, à l'époque. Et puis il y a ce premier roman de Jarry qui s'appelle Les jours et les nuits, qui date de 1897. Oui. Alors ça, c'est un roman quasiment autobiographique. Je voudrais pas plonger vos lecteurs dans l'erreur en m'arrêtant là. C'est une autobiographie qui est tout le contraire d'une autobiographie. C'est le roman d'un déserteur. C'est un très beau livre qui s'appuie sur deux choses. Hein. D'une part, l'expérience militaire de Jarry, qui a fait un peu de service militaire, pas très longtemps, mais enfin suffisamment pour avoir une expérience sérieuse de ce qu'est la vie de caserne, et sur sa relation avec un double, car il a une relation, on peut dire amoureuse, encore le terme soit malsonnant pour lui, c'est pas exactement le terme qu'il aurait choisi, bien entendu, mais enfin, avec un autre garçon, et sa relation de Cingle et de Valens fait la trame de ce roman, à travers quand même des épisodes qui reflètent la vie militaire. Et ce roman a déjà l'esprit de la pataphysique, c'est un livre sans unité visible, un peu hétéroclite, c'est un ouvrage dont le projet est de parvenir par l'intelligence à transformer la pesanteur du monde pour la maîtriser. Voilà le projet des pataphysiciens. Non, je l'ai recopié. Ah bon, parce que là, je ne sais même pas d'où ça vient. Enfin bon, ça me paraît un peu lourd, dit comme ça, par rapport à... Alors dites-le légèrement. D'abord, je vais vous dire, le roman comporte un chapitre qui s'appelle Pataphysique, mais en 1897, c'est pas du tout le premier livre de Jarry. Il a écrit quand même des recueils de poèmes, des textes précédents, où la pataphysique apparaît déjà. Hein, donc ça n'est pas la première apparition de la pataphysique, loin de là. Simplement, c'est un changement fort intéressant pour nous autres, où la pataphysique cesse d'être potachique et devient chose littéraire. C'est-à-dire, il en fait une sorte de façon de regarder l'univers et il met l'individu, Cingle, ça veut dire l'individu, l'isolé, le singulier. Il le met dans une sorte de balance avec le reste de l'univers. Et c'est la pataphysique qui fait l'équivalence des deux. Me permet d'ajouter un dernier mot. Il n'y a pas besoin de s'attendre à des choses compliquées pour trouver la pataphysique. Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans en lisant une pièce de Robert de Flers et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure. C'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher et que je vous donne. Pour conclure ce petit entretien préalable, je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique, et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. La compagnie des auteurs sur France Culture, et bien voilà une autre définition de la pataphysique, Thierry Foulque, s'appliquer à penser aux choses auxquelles on pense que les autres ne penseront pas. Voilà ce que Boris Vian disait de la pataphysique. Ben, il avait bien raison. Je dirais que Boris Vian, ce qu'il caractérise, à mes yeux, en grande partie, c'est ça, son inventivité. J'ai en tête comme ça une phrase où il parle de se souvenir de quelque chose. On lui demande de raconter quelque chose, et il dit « Oh, c'est bien emmerdant, il y a tellement de combinaisons verbales qui n'ont pas encore été explorées, et il préférerait beaucoup faire autre chose que se rappeler. » Alors, comme Jarry, Vian est aussi l'auteur d'une pièce assez terrible, aussi terrible peut-être que Uburois, c'est L'écarissage pour tous. Et c'est grâce à cette pièce, Thierry Foulque, que son nom va apparaître pour la première fois dans le numéro 3-4, vous voyez comme c'est précis, des cahiers du collège de pataphysique. Racontez-nous un petit peu l'histoire de l'entrée de Boris Vian dans le collège de pataphysique. Alors, elle se fait justement pas comme vous le croyez, et pas comme on le croit habituellement, parce que ce que vous venez de dire, en accent ça sur l'écarissage pour tous, n'est pas faux, mais n'est pas exact non plus. D'accord. Je dirais que quand on a joué cette pièce en 1950, en mai 1950, en avril plutôt 1950, au Noctambule. Il se trouve que ce qu'on appelait la sous-commission de la cantonade du collège, c'est-à-dire des gens chargés de regarder et de commenter les scènes, les spectacles. Alors, le spectacle de théâtre, mais aussi bien les scènes de ménage. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a une sous-commission de la cantonade qui est chargée de la critique théâtrale au collège oui, de Patafisique. Oui, il y a 77 sous-commissions. Je ne vais pas toutes les énumérer, parce que ce serait un peu long. Ah, mais, et les 77 ont des membres. Oui, oui, bien sûr, elles ont beaucoup de membres. Et elles ont des spécialités diverses, variées, qui sont orientées sur leur fonctionnement. Comme sur quoi, leur... par exemple? Par exemple, la sous-commission des moralités sous-entendues. Une très importante commission qui détecte dans les textes que nous imaginons de publier s'il n'y aurait pas un peu de moralité là-derrière, malgré les apparences objectives ou scientifiques de nos travaux. D'accord, on dénonce la moralité. On la détecte avant de l'imprimer sottement. Mmh. Oh, c'est une forme de morale aussi, hein, de détecter et de refuser d'imprimer la moralité. Mais bon. On peut très bien penser qu'il y a une morale pataphysique, mais ça nous entraînerait très loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sous-commission? La sous-commission des types. Par exemple, la sous-commission des types a l'avantage de s'occuper de toutes sortes de types, notamment de la typologie au sens théologique, ou de la typologie au sens psychologique, ou de la typologie ou de la typographie au sens typographique d'imprimerie. Et donc là, les types nous intéressent beaucoup en tant que type, en tant que forme première. Mais là, c'était la sous-commission de la cantonade, en charge donc de la critique théâtrale, qui avait exprimé sa profonde saturation à l'égard du texte de la pièce de Boris Vian. Absolument. Là, il faut savoir, je ne sais pas si vous n'étiez pas né, moi j'étais tout juste né à cette époque-là, hein, on sortait de la guerre. Et après la guerre... Il y avait surtout des gens bien-pensants dans tous les sens de la bien-pensance. Alors, il y avait des communistes, il y avait les résistants, il y avait les gaullistes, il y avait tout ce qu'on d'accord, pouvait imaginer. Ça bien-pensé de partout. Ça bien-pensé dans tous les sens, sauf Boris Vian, évidemment, qui arrive avec une pièce dont le lieu est à Romanche. Le personnage principal est l'écarisseur d'Aromanche, c'est-à-dire le gars qui est chargé d'écarrir les chevaux, hein, et qui a comme seule obsession de marier sa fille à son petit ami qui est allemand. Et simplement, il n'a pas fait bien attention, mais ce jour-là, c'est le 6 juin qui veut vraiment faire aboutir ce mariage. Et le 6 juin 44, ben, on débarque en général, et on débarque notamment chez lui. Et donc, il y a des soldats de tous les pays, de toutes les couleurs qui débarquent. Donc, il y a des Japonais, des Allemands, des Américains qui débarquent, même des résistants, évidemment, des résistants frais du matin qui débarquent. Et tout ce monde finit, bon, non, je vous passe les détails, mais ils finissent tous dans la fosse à écarrir. Alors, cette façon réellement radicale et équivalente de considérer les valeurs, justement, a beaucoup séduit les pataphysiciens qui ont assisté à cette représentation. Ils en ont gardé, comme c'est écrit, une profonde saturation. Mais c'est là donc où la saturation, c'est un mot positif, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Absolument, bien sûr, oui. En français moyen, vous diriez satisfaction, c'est le même terme. Après cette rencontre, où ils étaient spectateurs et la pièce sur scène, il n'y a pas eu de relation directe, contrairement à ce qu'on a raconté très souvent. Ouais. Il a fallu. Les gens se trompent beaucoup. Plus de 2 ans sans qu'il se soit rien passé. On se demande un peu pourquoi d'ailleurs, parce que les gens du collège auraient très bien pu prendre contact avec l'auteur. Ils n'ont pas fait. L'auteur aurait très bien pu, Boris Vian aurait très bien pu connaître le collège de pataphysique parce qu'il était lié avec Raymond Queneau, qui était lui-même membre du collège et qui en 1950, justement au même mois d'avril, venait de lancer le premier numéro de sa revue, Les Cahiers. Et donc, ils auraient très bien pu, par des circuits très courts, être déjà en rapport. Ben, ça s'est pas passé comme ça. C'est au mois de juin 1952 que Henri Robillot, un personnage admirable, a rencontré Boris Vian chez des amis communs et l'a amené, enfin ils se sont aperçus ensemble qu'ils étaient faits pour faire quelque chose ensemble. Attendez, vous parlez de juin 1952, mais moi je comprends pas. Vous voulez sans doute parler du 22 merdre 79. J'employais le calendrier vulgaire pour vos auditeurs en pensant qu'ils sont plus familiers. Mais c'est vrai que le 22 merdre, ça sonne beaucoup mieux. Eh oui, parce qu'il y a quand même un calendrier de la pataphysique, des pataphysiciens. Bah bien sûr. Pour en dire un mot quand même. Bien sûr, le calendrier pataphysique a été créé donc en même temps que le collège, en 1948 de l'ère vulgaire, j'emploie le terme vulgaire parce que justement le calendrier n'existait pas encore, hein, mais c'était en 75 de l'ère réelle. Ouais. La nativité d'Alfred Jarry, c'est-à-dire le 8 septembre 1873 marque le premier jour de l'ère pataphysique. Donc on dit avant Jarry, après Jarry, comme avant l'ère avant pataphysique, avant l'ère pataphysique. Ah, c'est l'ère pataphysique, oui, on ne dit pas avant. Avant l'ère pataphysique ou de l'ère pataphysique, exactement comme Jésus-Christ ou de l'Égire ou n'importe quel autre calendrier. Il y a 13 mois. Il y a 13 mois, parce que quand même 12, c'est un peu carré. Et en plus, ça ne permet pas de faire des mois égaux. Hein, vous avez remarqué que le calendrier vulgaire, le calendrier ordinaire, est bancal, avec des mois de 30 jours, de 31 jours, parfois de 28, parfois de 29. Bon, tout ça ne marche pas et tient pas debout. Tandis que le calendrier pataphysique, lui, a des mois de 28 jours. Tous de 28 jours, plus un, c'est-à-dire 29. Et il colle quand même avec le calendrier ordinaire parce que certains de ces jours additionnels, les Unyadi, sont gras, c'est-à-dire correspondent à un jour réel, ou sont imaginaires. Oui. Et les jours imaginaires ne nous inquiètent pas plus qu'autre chose. Hein. Alors les mois, c'est absolu, aha, as, sable, décervelage, gueule, pédale, clinamen, palotin, le fameux merdre, guidouille, tatane, fal, je crois que je vois que vous avez bien appris votre leçon. J'ai bien appris ma leçon. Tous ces termes ils sont issus de l'œuvre d'Alfred Jarry. Hein. Donc chacun pourrait faire l'objet d'un long commentaire. Mais enfin, on va peut-être parler de Boris Vian. Qu'est-ce que Boris Vian a apporté à la pataphysique ? Beaucoup. Beaucoup dans deux sens, à mon avis. Hein. D'une part, il a réellement collaboré, contrairement à d'autres optimates du collège qui sont un peu lointains, qui envoient un texte de temps en temps. Lui, il a collaboré réellement à la vie quotidienne du collège, à la vie intime du collège. Je veux dire, il a été sollicité, le livre qu'on a fait avec Paul Gaillot le montre dans les détails, grâce à la correspondance, il a été sollicité pour donner un avis, pour une nomination, pour la confection de telle publication, pour participer lui-même, bien entendu, aux publications, que ce soit à la revue ou à des publications non périodiques, hors de la revue, ce qu'on appelle publication interne. Donc il a beaucoup travaillé, il a collaboré, il a été présent dans beaucoup de manifestations, l'excursion au barrage du Coudray, par exemple, où il a même offert, c'était un peu le sommet et je dirais la fin aussi de sa carrière dans le collège, c'était l'acclamation du baron Mollet, qui était le vice-curateur, c'est la cérémonie s'est passée sur la terrasse des Trois Satrapes que vous avez visitée il n'y a pas si longtemps, si j'ai bien compris. Hier, exactement. Donc, il a réuni sur cette terrasse quantité de personnes du collège et même un peu de l'extérieur pour célébrer le baron Mollet. C'est pour vous dire qu'il était vraiment acquis à la vie du collège. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est évidemment cette invention permanente qui était, je dirais, la clé de son caractère. C'est quelqu'un pour qui penser était surtout ne pas penser comme les autres. Et pour vous, la pataphysique, c'est quelque chose d'important dans la vie de Boris Vian. Ça n'est pas annexe. C'est pas pour moi, c'est vrai. Il suffit de lire la correspondance. Le livre que nous avons fait le montre en 200 pages. Il est présent pendant toute sa vie, à partir du moment où il est entré dans le collège. Il est présent extrêmement activement. Par ses textes, bien entendu, il donne des textes spécifiques pour le collège, donc les lettres à Henri Robilleux dont je te parlais tout à l'heure, ou la lettre au baron Mollet, justement, sur les truqueurs de la guerre, qui est un texte digne de Swift, au moins. Et ça rendait sa vie plus légère, ça rendait la vie aussi des autres pataphysiciens plus légère que sa présence Plus légère, je ne sais pas, mais plus excitante, certainement. C'est-à-dire que ça faisait partie de l'excitation de l'époque. C'est-à-dire que on n'est pas sur Terre pour s'embêter, hein. Et je dirais même pas pour s'emmerder. Il travaillait, c'est du travail, mais c'est du travail dans la joie totale, toujours, avec des travaux de haute érudition, ça bien entendu. Le collège est une société savante, mais la science n'est pas forcément une source d'ennui, heureusement. Et puis il y a la musique aussi qui est importante pour les pataphysiciens et pour Boris Vian, là il y avait un terrain d'entente sans doute. Absolument, la musique sous toutes ses formes. Alors Boris Vian lui était assez orienté vers le jazz et là contrairement à votre interlocutrice, moi je suis plutôt formé dans le jazz parce qu'on n'est pas de la même époque hein, et Boris Vian lui connaissait très très bien le jazz, il écrivait dans Jazzot et tout et il a dirigé des collections de disques de jazz et moi j'écoutais et je lisais les pochettes de les textes qu'il écrivait au dos des pochettes qui étaient absolument époustouflants hein. Rien que pour ça, on savait que le disque valait le coup d'être écouté, simplement parce que le texte était formidable. Et puis, il a écrit des chansons, et il en a donné au collège, et puis il a fait des recherches, même musicologiques, pour le collège. Alors si on est intéressé par le collège de apostrophe pataphysique, je rappelle qu'on peut envoyer un courrier au 51A rue du Volga, car vous recrutez toujours de nouveaux pataphysiciens. Nous ne recrutons pas. Nous sélectionnons. Pas. Plus exactement, nous séduisons. Sur dossier, on envoie une lettre de candidature. Non, absolument pas. Non, c'est pas nos mœurs. Le collège, du seul fait qu'il existe et qu'il fait ce qu'il a à faire et qu'il le fait sur le ton qu'il a à adopter, sélectionne automatiquement ceux qui veulent venir en son sein de ceux qui trouvent que c'est vraiment nunuche. Merci beaucoup Thierry Foulque d'avoir partagé avec nous un moment de connaissance pataphysique. Je rappelle votre ouvrage à paraître en octobre. Vian et la apostrophe pataphysique au livre de poche écrit avec l'un de vos collègues du collège, Paul Gaillot. Tout de suite de la poésie avec Jacques Bonafé qui lit aujourd'hui des textes d'André Velter. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Allez, on remet ça, c'est parti. On reprend sa poésie et doucement, on se chauffe. Doucement, hein, on s'échauffe, on reprend, on répète, oui, on répète. Allez, j'ai d'ailleurs le principe de la rime. Hein. Ma poitrine sur ta poitrine, hein, nous irons, ayant de l'air plein la narine, aux frais rayons. La rime, mon vieux. La rime intérieure, c'est le pouls du moteur qui sert de rythme au texte qu'on a à retenir par cœur. La rime doit être facile à mémoriser. Elle doit être comme le demi-direct au troquet, simple, réaliste, socialo, sans faux col ni chichi. Qu'est-ce qui tombe en hiver et qui se termine en i? La neige, camarade syndiqui. Qu'est-ce qui tombe en hiver et qui se termine en ir? La neige, camarade syndiqui, je viens de le dire. Merci Jean-Pierre Verheyghen. Ceci posé, on fait quoi ici? On lit la poésie. Bon, alors allons-y, nous lisons. De la musique avant toute chose, et pour ce qui est des contenus, morceaux choisis de poésie. Alors, les meilleurs, hein, le meilleur de ce que présentent les étals en cette période de rentrée, du nouveau et sans traitement, hein, de la fraîcheur avant toute chose, qui n'empêche pas des insertions plus anciennes d'ailleurs, la rose et le réséda par exemple, ça n'empêche pas. Le mieux est d'éclaircir avant d'éclamer, ne pas envoyer son poème au casse-pipe. À l'heure du thé, pas de ces politesses congestionnées, on est ici pour se comprendre, c'est l'esprit. On n'est pas là pour expliquer, mais comprendre, oui, parce que comme dit l'autre, ben, moi si je vous explique, ben, j'ai plus envie de filmer, quoi, voilà. Et d'ajouter que ben, le cinéma, c'est comme la peinture, quoi, ça montre l'invisible. Et le poème, ça montre quoi? Ben, y a le visible et puis l'invisible, ben, si vous filmez que le visible, ben, c'est de la télé que vous faites. Et nous, en ouvrant les livres à voix haute, on essaie de garder le mystère. Voilà. Et son poids d'énigme. Et la vie passe, emportant les poèmes, dont personne ne ramasse les feuilles, dit Werner Lambercy. Sauf le cœur, longuement, longuement si solitaire, et que rien jamais assez ne l'emplit. Dans La chute de la grande roue, au castor astral, mais ça nous y reviendrons. Morceau choisi est le titre d'un poème d'André Velter que nous saluons ici, extrait. Le crâne d'Eschyle, l'oreille de Van Gogh, l'œil de Marlowe, le bras de Sandrars, la quéquette de Boileau, le genou de Pétrarque, la jambe de Rimbaud, quel poème a pris corps en ce champ démembré où un aigle est venu au soleil de Sicile larguer une tortue. Poème pour un couteau qui délire en Arles et dans un bouche de Londres un poignard qui tue. Poème à la mitraille de la ferme Navarin pour un jar irascible ou un livre trop lourd ou la gangrène qui gagne. Les soirs de fatigue juste avant de sombrer, une eau vient à la bouche qui est comme le viatique des limbes, eau de gouffre, eau de rien, avec mise au secret des reflets où renaître, des échos où reconnaître le vieux tocsin de l'aube. Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.